Bassagne. Les plus brillants dehors peuvent être les moins sincères. Le monde est sans cesse déçu par l'ornement. En justice, quelle est la cause malade et impure dont les tempéraments d'une voix gracieuse ne dissimulent pas l'odieux? En religion, quelle erreur si damnable qui ne puisse, sanctifiée par un front austère et s'autorisant d'un texte, cacher sa grossièreté sous de beaux ornements? Il n'est pas de vice si simple qui n'affiche de dehors de vertu. Combien de poltrons, au cœur traître, comme un escalier de sable, qui portent au menton la barbe d'un Hercule et d'un Mars farouche, sont délés intérieurement. Ils ont le foie blanc comme du lait. Ils n'assument l'excrément de la virilité que pour se rendre redoutable. Regardez la beauté, et vous verrez qu'elle s'acquiert au poids de la parure. De là, ce miracle, nouveau dans la nature, que les femmes les plus chargées sont aussi les plus légères. Ainsi, ces tresses d'or, aux boucles serpentines, qui jouent si coquettement avec le vent sur une prétendue beauté, sont souvent connues pour être le douaire d'une seconde tête, le crâne qui les a produites étant dans le sépulcre. Ainsi, l'ornement n'est que la plage trompeuse de la plus dangereuse mer. C'est la splendide écharpe qui voile une beauté indienne. C'est en un mot l'apparence de vérité que revêt un siècle perfide pour duper les plus sages. Voilà pourquoi, or éclatant, âpre aliment de Midas, je ne veux pas de toi. Montrant le coffret d'argent. Ni de toi non plus, pas les vulgaires agents entre l'homme et l'homme. Mais toi, toi, maigre plomb, qui fais une menace plutôt qu'une promesse, ta simplicité m'émeut plus que l'éloquence, et je te choisis, moi, que mon bonheur en soit la conséquence. Portia. Comme s'évanouissent dans les airs toutes les autres émotions, inquiétude morale, désespoir éperdu, frissonnante frayeur, jalousie à l'œil vert. Oh, amour, modère-toi, calme ton extase, contiens ta pluie de joie, affaiblissant l'excès. Je sens trop ta béatitude, atténue-la, de peur qu'elle ne m'étouffe. Bassagne, ouvrant le coffret de plomb. Que vois-je ici? Le portrait de la belle Portia. Quel demi-dieu a approché à ce point de la création? Ses yeux remuent-ils? Ou est-ce parce qu'ils agitent mes prunelles qu'ils me semblent en mouvement? Voici des lèvres entr'ouvertes que traverse une haleine de miel. Jamais barrière si suave ne sépara si suaves amis. Ici, dans ses cheveux, le peintre, imitant Aragné, a tissé un réseau d'or où les cœurs d'hommes se prennent plus vite qu'aux toiles d'araignées. Les moustiques. Mais ses yeux, comment a-t-il pu voir pour les faire? Un seul achevé suffisait, ce me semble, pour ravir ses deux yeux à lui et l'empêcher de finir. Mais voyez, autant la réalité de mon enthousiasme calomnie cette ombre par ses éloges insuffisants, autant cette ombre se traîne péniblement loin de la réalité. Voici l'écriteau qui contient et résume ma fortune. À vous qui ne choisissez pas sur l'apparence, bonne chance ainsi qu'heureux choix. Puisque ce bonheur vous arrive, soyez content, n'en cherchez pas d'autre. Si vous en êtes satisfait, et si votre sort fait votre bonheur, tournez-vous vers votre dame et réclamez-la par un tendre baiser. Charmant écriteau. Belle dame, avec votre permission, il embrasse Portia. Je viens, cette note à la main, donner et recevoir. Un jouteur, luttant avec un autre pour le prix, croit avoir réussi aux yeux du public lorsqu'il entend les applaudissements et les acclamations universelles. Il s'arrête, l'esprit étourdi, l'œil fixe, ne sachant si ce tonnerre de louange est oui ou non pour lui. De même, je reste devant vous, trois fois belle dame, doutant de la vérité de ce que je vois, jusqu'à ce qu'elle ait été confirmée, signée, ratifiée par vous. Portia, vous me voyez ici, seigneur Bassagne, tel que je suis. Pour moi seul, je n'aurais pas l'ambitieux désir d'être beaucoup mieux que je ne suis. Mais pour vous, je voudrais tripler 20 fois ce que je vaux, être 1000 fois plus belle, 10 000 fois plus riche, et, rien que pour grandir dans votre estime, avoir, en vertu, en beauté, en fortune, en ami, un trésor incalculable. Mais la somme de ce que je suis est une médiocre somme. À l'évaluer en gros, voyez une fille sans savoir, sans acquis, sans expérience, heureuse d'être encore, en âge, à apprendre, plus heureuse d'être née avec assez d'intelligence pour apprendre, heureuse surtout de confier son docile esprit à votre direction, ô mon seigneur, mon gouverneur, mon roi. moi et ce qui est mien, tout est votre désormais. Naguère, j'étais le seigneur de cette belle résidence, le maître de mes gens, la reine de moi-même. Et maintenant, au moment où je parle, cette maison, ces gens et moi-même, vous avez tout, mon seigneur. Je vous donne tout avec cette bague. Gardez-la bien. Si vous la perdiez ou si vous la donniez, cela présagerait la ruine de votre amour et me donnerait motif de récriminer contre vous. » Bassagne, mettant à son doigt la bague que lui offre Portia. « Madame, vous m'avez fait perdre la parole. Mon sang seul vous répond dans mes veines. Il y a, dans toutes les puissances de mon être, cette confusion qui, après une harangue gracieuse d'un prince bien-aimé, se manifeste dans les murmures de la multitude charmée. Chaos, où tous les sentiments, mais les ensembles, se confondent en une joie suprême qui s'exprime sans s'exprimer. Quand cette bague aura quitté ce doigt, alors ma vie m'aura quitté. Oh, alors, dites hardiment, Bassagne est mort. »